Vendredi après-midi. Le papier. Le tabac. Le briquet. Bonjour et bienvenue à cette émission Rock Classique en ce vendredi 27 novembre de l'an 2009. Je m'appelle Alain Lefebvre, je serai là pour vous accompagner en musique pour les 5 prochaines heures. Émission régulière aujourd'hui à Rock Classique, on va donc entendre tout au long de l'après-midi à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière Rock Classique.